Le prince, qui a découvert Sylvia, un jour de chasse, compte non seulement sur Trivelin, mais aussi sur Flaminia, fille d'un domestique du palais, pour s'assurer les faveurs de Sylvia. On la voit de ce fait conseiller Lisette pour séduire Arlequin que l'on est allé chercher. À son arrivée, Arlequin est d'abord sollicité par Trivelin, qui lui fait valoir tous les avantages qu'il pourrait tirer du prince s'il lui cédait Sylvia. Mais Arlequin ne veut rien entendre. Arrive alors Lisette.